Le très haut débit pour tous et partout arrive plus vite qu'on l'imagine. C'est ça, la France qui se réalise. Thank you.